jolis crapauds, mesdames, j'ai dans ma cave. Trois jolis crapauds, j'ai dans ma cave. Trois jolis crapauds, mesdames, j'ai dans ma cave. Trois jolis crapauds. Crapaud saute, saute, saute, saute. Crapaud saute, l'un par-dessus l'autre.